deux petites questions. D'après vous, est-ce qu'on va parler de médias ou de réseaux plutôt lorsqu'on parle de Twitter, Facebook, des blogs, etc. Oui. Ils ne se définissent pas en tant que médias, ils disent qu'ils ne produisent pas de contenu. C'est plutôt les usagers qui produisent des contenus ou alors qui partagent des contenus produits par d'autres médias traditionnels. Est-ce que tout le monde a entendu ? Non. Alors, donc d'après votre collègue, la proposition serait dire, bah, déjà de remarquer que eux-mêmes, donc Facebook, Twitter, les blogs, etc., ne se définissent pas comme médias. Puisque d'après eux, ce n'est pas nécessairement eux qui produisent du contenu, ce sont plutôt les utilisateurs qui produisent du contenu à la différence de médias traditionnels. Est-ce que vous auriez d'autres éléments à apporter, soit pour soutenir ce point de vue, soit pour en donner un autre, pour parler d'autres spécificités qui feraient qu'on devrait parler plutôt de l'un, plutôt de l'autre, ou des deux, dans quel cas parler de l'un ou de l'autre ? Un regroupement de plein de gens sur une plateforme commune, donc vu comme un réseau. Est-ce que vous êtes d'accord ? Pas ? Est-ce que d'après vous, toutes ces plateformes, Facebook, Twitter, un blog, Wikipédia, etc., c'est du même ordre ou pas ? Il y a ceux qui produisent du contenu, il y a ceux qui ne produisent pas. Ok, donc une distinction à partir de la production non de contenu et une autre caractéristique qui serait celle de regrouper des personnes. Okay. Une deuxième question, avant d'essayer de voir comment mettre ensemble tous ces éléments-là. Est-ce qu'on doit parler de plutôt médias ou réseaux sociaux ? Ou médias sociaux ou réseaux pardon numériques ou socio-numériques. Est-ce que vous voyez une différence entre ces qualificatifs ? Les médias sociaux pour vous c'est quoi ? Définir à quelqu'un qui arrive d'une autre planète et qui voit le terme médias sociaux dans les journaux, dans les médias, justement. Avec une autre personne que celle qui a déjà répondu. Donc médias sociaux, c'est plus la dimension communicationnelle mettre ensemble et numérique plus la dimension technique. Personnellement, je dirais plus la dimension sur le numérique puisqu'il y a justement les deux dimensions qui s'imbriquent les unes dans les autres. Et donc, ça me paraît plus approprié que juste social ou juste numérique étant donné que c'est les deux en fait. Ok. Donc socio-numérique ferait la jonction entre la dimension interactionnelle et la dimension technique. Et si on parle de réalité virtuelle ou en ligne, est-ce que vous voyez une différence entre les deux ? Est-ce qu'il y a un des deux termes qui vous paraît plus adéquat ? Ou est-ce que c'est pareil en fait pour vous ? D'autres propositions ? Oui ? Oui ? lien plus avec l'abstraction et en ligne plus avec le concret. Je vais commencer en fait par cette dernière question-là. En fait, c'est exactement la distinction entre, entre les deux et... La distinction qu'on fait entre l'utilisation du terme virtuel et l'utilisation du terme en ligne se fait vraiment sur cette base justement de une conception soit de l'utilisation de quelque chose sur un plan vraiment abstrait, soit d'une utilisation concrète. Au début du numérique et au début des en fait où les théoriciens aussi de la communication, les chercheurs en communication se sont intéressés davantage au numérique et à l'utilisation du web social, on avait tendance à parler plutôt de virtuel, donc réalité virtuelle, vidéo virtuelle, etc. Sauf que, de plus en plus, le qualificatif de virtuel a été critiqué parce que justement, il renvoyait à il avait une connotation de fiction, en fait. Donc, qui était qu'il y avait quelque chose d'artificiel. Or, en fait, les chercheurs, les enseignants, même les professionnels du domaine, ont de plus en plus critiqué cette version-là en partant en fait davantage, enfin en soulignant le fait que les internautes, lorsqu'ils sont connectés, lorsqu'ils envoient un message, lorsqu'ils produisent de l'information, qu'ils la partagent, etc., ils vivent une expérience numérique. Donc autant, oui, c'est pas ce qu'on appelle, c'est plus dans la réalité hors ligne de je suis en train de parler en face à face avec mon ami ou de je serre la main de quelqu'un, mais par contre il y a réellement quelque chose qui se passe et donc pour l'internaute il a vraiment vécu une expérience, donc pour lui ça devient du concret sur le plan de son expérience humaine. Et deuxièmement, même s'il y a effectivement une construction qui se fait à travers l'expérience numérique, construction de on devient membre d'une communauté avec des gens qu'on connaît pas sur un forum, puis on publie une opinion à laquelle quelqu'un d'autre répond, etc. Mais au fur et à mesure, on construit quand même des relations. Donc il y a vraiment aussi une dimension sociale, numérique, qui se développe. Donc il y a à la fois l'aspect du vécu et à la fois l'aspect du construit, qui ont fait en sorte que de plus en plus, on a adopté l'appellation en ligne plutôt que l'appellation virtuelle. Autrement dit, quand concrètement vous faites une analyse critique ou une analyse dans ce cours d'un phénomène de communication sur... ayant un lien par exemple avec Internet ou des plateformes socio-numériques, vous avez plutôt intérêt à parler d'expérience en ligne plutôt que virtuelle. Et si vous voulez faire l'opposition avec par exemple le fait que quelqu'un se social est très très actif sur Facebook, Twitter et a 1300 contacts, mais que dans la vraie vie en fait il parle à personne et donc il y a une dichotomie ou un contraste entre sa vie en ligne et sa vie dans ce qu'on appelait autrefois la réalité par opposition virtuelle, on parlera plutôt d'une opposition entre des actions en ligne et des actions hors ligne. Donc par exemple des contacts sociaux hors ligne qui peuvent être de l'ordre quasiment de l'inexistant, du très limité, et une existence sociale en ligne très forte. Ça, il y a beaucoup de chercheurs qui se sont intéressés à ça justement, à parfois ces sortes de personnalités ou de comportement en ligne, très très axé sur du social, sur de la valorisation de soi, alors que dans la vie hors ligne, il pouvait y avoir au contraire des comportements en fait qui étaient à l'inverse. Ça rejoint aussi cette dimension plus de finalement l'aspect technique est vu comme faisant partie finalement maintenant du quotidien de l'homme sur un plan communicationnel. Ça fait partie aussi de réflexions qu'avait eu McLuhan, qui était que les différents médias, quels qu'ils soient, ou les différents canaux de communication, sont des prolongements technologiques de l'homme, au sens où l'homme a une certaine capacité créative sur ses médias, et au sens où, en tout cas, à travers ses plateformes, ses logiciels, etc., il vit certaines expériences, il construit certains liens, qui vont être ajoutés ou complémentaires par rapport à ce qu'il vit hors ligne. Si je reviens à la question est-ce qu'on parle de médias ou réseaux sociaux, dans quel cas parler des uns ou des autres, en fait, dans les Et là, ici, je parle vraiment des conceptions de la communication par rapport à ces termes-là. Donc, dans le cadre de la réflexion sur la communication, on fait une distinction généralement entre médias et réseaux. En fait, sur, en gros, si je résume, vous avez des médias qui forment l'ensemble des plateformes qui permettent une interaction, qui permettent une présence, qui permettent une communication en ligne. Et à l'intérieur des médias, vous avez les réseaux, qui sont des médias qui sont axés essentiellement sur le lien social. Donc sur le fait que, par exemple, sur un, on va voir l'exemple type qui est souvent donné, c'est que le blog est un média social, mais par contre, ce n'est pas un réseau, au sens où je peux publier, je peux tenir un blog, je peux publier dessus, je peux donner l'autorisation à mes lecteurs de réagir à mes commentaires, à mes publications, mais je ne suis pas obligée d'avoir forcément en fait, des personnes qui me suivent, qui sont abonnées, de m'abonner à des gens pour pouvoir tenir ce blog. Alors que si je commence à aller sur Twitter ou Facebook, ben, il faut pour entretenir ou pouvoir participer, ben, je like des choses sur le mur d'autres personnes, j'accepte des contacts, j'en demande d'autres, etc. Donc le fonctionnement même et l'objectif même de Facebook par exemple ou de Twitter, c'est vraiment de développer ce lien social, de marcher à travers le lien social. Les médias sociaux de façon plus globale en fait, inclut cette possibilité d'interagir, cette possibilité de communiquer en ligne, mais ne repose pas tous essentiellement sur le lien social comme principe de développement. Est-ce que c'est clair? Oui. Okay. Ça c'est, comme je vous le disais, c'est une distinction en fait de définition qu'on utilise dans les travaux sur les dimensions communicationnelles du numérique. Donc, je vais y revenir un petit peu plus tard, mais les médias englobent les réseaux, comme je viens de vous le dire. Ici, la distinction que je vous demandais entre eux, est-ce qu'on doit parler de médias ou réseaux sociaux, médias ou réseaux numériques, médias ou réseaux sociaux numériques, votre collègue proposait une distinction entre le fait que ben, sociaux, ça semblait renvoyer davantage à de l'interaction, à de la communication, et que numérique, ça renvoyait plus aux techniques, et que donc sociaux numériques, ça permettait peut-être d'imbriquer les deux. Effectivement, dans les travaux d'analyse, de critique sur la communication et les enjeux numériques en communication, lorsqu'on parle de médias sociaux, normalement, on fait davantage référence à des médias à vocation sociale. Initialement, avant que Facebook, etc., ne se développe davantage dans les dernières années, un média social, c'était un média, par exemple, produit par une association qui va sensibiliser à une cause sociale. Donc, qui fonctionne sur, qui a une vocation communautaire et qui fonctionne sur des objectifs de diffusion sociale de l'information, de rapprochement social. Lorsqu'il était question des réseaux sociaux, on faisait allusion plutôt qu'aux réseaux sociaux en ligne, on faisait en fait allusion aux réseaux humains, c'est-à-dire par exemple les groupes d'amis, le réseau social de la famille, le réseau en lien avec la classe sociale, etc. Donc en sociologie de la communication, l'utilisation de réseaux sociaux en fait, ça évoquait essentiellement des objets, des façons de considérer la société qui faisaient écho aux réseaux humains et non pas donc aux réseaux sociaux techniques en ligne. Donc, idéalement, dans les textes qui travaillent sur notamment le web social, etc., on va parler de médias ou de réseaux sociaux numériques. C'est ce que vous allez trouver dans une partie de la littérature, notamment en fait sur des textes théoriques qu'on va utiliser dans le cours. Cependant, c'est un peu la même chose que pour la distinction entre médias et réseaux sociaux. Dans les faits, en particulier dans les médias, et là je parle des médias traditionnels autant que des médias en ligne, on trouve de façon vulgarisée l'utilisation médias sociaux ou réseaux sociaux, point. Mais dans le cadre du cours, je vous demanderai de privilégier l'utilisation de médias ou réseaux sociaux numériques en fonction des phénomènes desquels vous parlez. Ok ? J'ai pris comme exemple pour illustrer un média social par rapport à un réseau social, un média socio-numérique par rapport à un réseau socio-numérique, les blogs qui donc ne fonctionnent pas forcément sur, sur l'utilisation dans l'un social ou sur le développement absolu d'un lien social. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de dire concernant les définitions? Ça va, il y a des choses moins claires? Oui. Juste une question par rapport à la structure. Est-ce qu'il y a 3.1, 3.3? Enfin, c'est juste. Ah oui, c'est que j'ai interchangé les diapositives. Ça devrait être 4.1 ici, en fait, les blogs. Merci. Excusez-moi. Non, en fait, ça devrait être 4.1, après ça, ça doit être 4.2, après ça, 4.4. Mais ce serait le 5. Je ne comprends pas vos questions. Parce que là, on est dans 3.1, on a du 3.2, on a du 3.3. Donc, en fait, la partie 3, elle est finie. Et là, on rentre dans, au lieu d'un 3 ici, ça devrait être un 4. Ça va? C'est clair ou... Ouais, ok, je vais corriger les diapos et on les remettra en ligne de façon corrigée. Donc, on commence la partie 4 avec le 4.1, les blogs. En fait, donc, les blogs sont une illustration de ce qu'on appelle les médias sociaux au sens où on peut communiquer, interagir en ligne sur ceci, mais que donc ils ne fonctionnent pas nécessairement avec un accent mis sur le lien social. On peut les considérer un petit peu comme les patriarches en fait, du web social parce que ce sont quand même parmi les premières plateformes qui ont permis des réactions, enfin, ou du moins de s'adresser à un public directement et gratuitement de la part d'internautes lambda. Et également donc, où il y avait une certaine liberté, une forme d'appropriation assez forte possible par l'internaute. Donc on arrivait sur la plateforme du blog qui nous était proposé et à partir d'un certain gabarit, on remplit les différentes sections et on met un peu à notre main finalement j'ai juste évoqué les quoi, le template. Le template. On met à notre main l'architecture qui nous est offerte sur la plateforme. Le blog en tant que tel, en fait, au départ, c'est une contraction du mot web et log. Est-ce que il y en a, non, il n'y a pas de multilingue ici, mais est-ce qu'il y en a qui connaissaient le terme log, peut-être en anglais? C'est le journal de bord d'un pilote d'avion. Donc autrement dit, en fait, c'est là où le pilote notait les caractéristiques des conditions de vol, le fait qu'il avait dû changer sa trajectoire, etc. Et donc, le blog, au départ, c'était un peu vu comme ça, c'est-à-dire comme une sorte de carnet de bord dans laquelle on va noter les caractéristiques rapidement, en fait, de la journée, de la semaine, etc. Donc c'était vraiment associé à une forme de prise de notes. Donc déjà quand même à un travail de rédaction qui n'était pas équivalent au travail des médias imprimés habituel. Et également se rapproche dans le blog de ce qu'on appelle en journalisme plutôt le billet d'humeur ou la chronique. C'est-à-dire qu'on écrit en livrant son opinion et en partageant en fait un point de vue ou des expériences, des anecdotes qui nous sont personnelles. Donc c'est L'objectif de cette plateforme-là, c'était d'inciter aussi les personnes à se dévoiler, ou du moins à proposer une sorte de partage d'intimité, un minimum, avec une audience ou des publics. Ce partage d'intimité, on y reviendra en fait au fil du quadrimestre, mais c'est aussi une des caractéristiques en fait du web et des problématiques du numérique en communication. C'est, ceci dit, le blog, comme je disais, il y a un travail sur l'écriture qui est différent de l'imprimé, mais c'était quand même une forme d'utilisation de plateformes socio-numériques qui permet une expression assez ample. Il n'y a pas nécessairement de format imposé ou qui nous impose de couper au bout de deux phrases, mais on avait le temps, en fait, de vraiment se livrer, écrire des dossiers de fond ou écrire des réactions assez développées. Je vous ai mis ici une définition que vous pourrez consulter ou sur laquelle vous pourrez vous appuyer pour les travaux notamment d'analyse de la session. Ce que vous devez également, peut-être ce à quoi vous pouvez porter attention, c'est la façon dont le blog était conçu sur le plan du déroulement du temps. On était encore dans un format de type donc antéchronique, c'est-à-dire que je mets en haut de la page ou je livre en premier à l'internaute ce qui vient de m'arriver de la façon la plus récente. Et par après, en dessous, je mets ce qui m'est arrivé hier, puis avant-hier, puis la semaine d'avant, etc. Donc on ne fonctionne pas par ordre chronologique, mais c'est ce qui est le plus récent, le plus instantané en fait, qui va intéresser, qui est censé intéresser le plus le public. Autrement dit, c'est un journal de bord, oui, mais qui est inversé en fait par rapport à la logique habituelle de l'imprimé ou par rapport à la logique habituelle d'un vrai carnet qu'on prendrait le temps de lire. Donc il y a quand même une conception de l'attention en fait potentielle du public, et ça aussi l'économie de l'attention, c'est un des enjeux de communication dans le numérique. Et il y a également donc une façon de prioriser qui est de l'ordre du très récent, du neuf ou de l'actuel. Autre forme de plateforme en fait numérique, socio-numérique, vous avez ce qu'on appelle les wikis. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà écrit, modifié, créé des pages ou des sections sur Wikipédia? Non? Vous savez qu'on peut faire ça? D'accord. Ok. Bon, non pas que je veuille vous inciter tous à vous créer une propre page Wikipédia racontant vos exploits, mais en fait les wikis, ça fait vraiment partie aussi d'une philosophie en fait liée au web et d'une conception sociale et communicationnelle du web et du numérique qui est caractéristique du partage en fait et d'une construction en collectif. Donc construction sociale, en l'occurrence dans les wikis, du savoir, c'est-à-dire qu'on donne accès au maximum de monde pour permettre en fait à différentes personnes d'ajouter du contenu, de le modifier pour l'améliorer, pour le rendre le plus complet possible. C'est donc aussi une perspective de science collaborative, c'est-à-dire où on va, au fur et à mesure, corriger les erreurs, mettre en valeur certaines dimensions, certains faits, etc. Et il y a l'accent mis sur l'auto-évaluation, donc où les internautes doivent par eux-mêmes évaluer si l'information est intéressante, si elle est suffisamment étayée, si elle est incomplète, voire si elle est erronée. Et donc il y a quand même si c'est très ouvert, accessible gratuitement, etc., il y a quand même des réglementations et des limites. Donc pas de texte insultant, pas de propos à caractère raciste, etc., de diffamation, de calomnie, etc. Donc il y a une forme, et ça aussi ça fait partie des enjeux, il y a des phénomènes de réglementation et d'auto-régulation aussi du web et du numérique qui se développent au fur et à mesure que de nouveaux outils apparaissent. Et l'enjeu des wikis, notamment de Wikipédia, c'est d'obtenir ou d'essayer d'asseoir une forme de caution et de légitimité scientifique, donc en ayant le plus de collaboration possible, mais avec cet objectif idéalement d'être fiable, donc de vérifier, contre-vérifier les informations. J'imagine que dans les cours que vous avez pu suivre de critique des sources, recherche documentaire, etc., on vous a déjà dit que Wikipédia, ce n'était pas une référence à citer, par exemple, dans un mémoire de maîtrise ou dans des travaux. Ça, oui, on vous l'a déjà dit. Ok. Parce que c'est vrai. En fait, malgré le fait qu'il y a effectivement des phénomènes d'autorégulation, de réglementation, etc., idéalement, dans le domaine et le milieu universitaire, Wikipédia doit plutôt être une première phase à la limite de repérage, plutôt qu'une référence sur laquelle vous allez vous appuyer. Donc, à la limite, vous pouvez, si vous allez sur Google pour chercher une notion, vous inspirez ou regardez ce qu'il y a sur Wikipédia, parce que c'est pas démoniaque sur le plan scientifique, mais par contre, faites attention, donc ça ne compte pas comme étant une référence scientifique encore suffisante pour figurer par exemple dans un devoir pour justifier quelque chose. Donc si vous trouvez un propos tenu sur Wikipédia ou des auteurs mentionnés, il faut que vous alliez à la source de ces auteurs ou de ces propos pour pouvoir les utiliser. Bon, j'ai parlé de la distinction entre médias et réseaux. Ça marche pas, entre médias et réseaux sociaux numériques. Comme je vous disais, la caractéristique de ce qu'on appelle les réseaux, c'est vraiment de reposer sur le lien social. Donc ça fonctionne et on veut que l'objectif, c'est de développer un nombre de contacts maximum, ou de participer, donc de marquer son approbation, sa désapprobation sur les plateformes d'autres personnes. Ici, en fait, ce lien social, il fait référence à une autre théorie, qui est la théorie des liens faibles. Est-ce qu'il y en a certains parmi vous? Et puis, c'est pas du tout, enfin, il n'y a pas de jugement quand je pose ces questions, c'est juste pour un peu évaluer ce que vous avez déjà vu ou pas dans les cours. Est-ce que la théorie des liens faibles, ça, il y a des gens qui ont déjà vu ça? D'accord. Donc, c'est une théorie qui a été élaborée par un économiste. Qui s'appelle Marc S. Qui, au début des années 70, en fait, s'est intéressé surtout, donc c'est un sociologue et économiste qui s'est intéressé à la valeur des liens sociaux entre individus. L'originalité en fait de son approche, c'était de mesurer la qualité ou la force des liens entre les individus sur la base du temps que les individus passaient ensemble, sur l'intensité émotionnelle de la relation entre les individus, sur l'intimité, le degré d'intimité qui était partagé, et aussi sur la réciprocité du lien. Donc, dans quelle mesure est-ce que les deux personnes, en gros, tenaient autant l'une qu'à l'autre à la relation qu'elles partageaient. Donc, à partir de ces critères, le temps passé ensemble, l'intensité émotionnelle, l'intimité, la réciprocité du lien, il a établi une hiérarchie entre des liens forts, des liens en pointillés, c'est-à-dire d'intensité fluctuante, et des liens qu'il appelait faibles. En gros, les liens forts, c'était essentiellement les amis les plus proches, la famille de façon, on va dire, générale ou traditionnelle, et les liens en pointillés, c'était plutôt les personnes qu'on perdait de vue par moment, mais qu'on retrouvait, par exemple, des cousins ou des collègues avec qui on était appelé à collaborer de temps en temps. Les liens faibles étaient des connaissances, des amis d'amis, on sait qu'ils existent mais on ne les connaît pas plus que ça par exemple, ou des voisins qu'on croise dans la rue à qui on ne parle pas forcément à part dire bonjour, et donc on arrivait après ça au lien inexistant ou à l'absence de lien qui était deux personnes qui ne se sont jamais croisées et qui sont vraiment très éloignées les unes des autres. Ce qu'il a élaboré, l'originalité de son... de sa réflexion, en fait, c'était de partir du principe que si une personne A a avait un lien très fort avec une personne B, et que si une personne et que si cette même personne A a un lien très fort avec la personne C, alors les personnes B et C disposent ou ont à disposition un potentiel lien faible. C'est-à-dire elles ne se connaissent pas, mais par contre elles ont une personne proche qui leur est commune. Et donc par cette proximité qu'elles partagent, il y a un potentiel déjà d'activer un lien qui est là. Et en fait, Granovetter, il a porté attention à ça par rapport à un cas particulier qui était celui de la recherche d'emploi. Donc il a comparé des gens qui faisaient appel uniquement à leur cercle d'amis proches pour trouver un travail, donc à leur lien fort, par rapport à des gens qui faisaient appel aussi à leur lien fort, mais en plus à des liens faibles, c'est-à-dire de le père de mon ami que je ne connais pas mais qui a déjà travaillé dans tel secteur d'activité, le voisin à qui je n'ai pas forcément parlé mais il travaille dans la région où j'aimerais bien déménager pour trouver un travail, etc. Et en fait, ce qu'il a prouvé, c'est que on maximisait beaucoup plus les chances en fait, de trouver un emploi quand on activait son réseau de liens faibles, plutôt que de se concentrer, même de façon totale et avec les meilleures intentions, seulement sur ses liens forts. Et en fait, sa théorie a été reprise pour décrire certains phénomènes qui affectent les réseaux sociaux numériques. Notamment avec tout ce qui concerne Twitter et la recherche en fait d'influence que l'on essaye d'établir ou d'installer en fait sur Twitter, donc le statut d'influenceur, qui était en gros qu'on a tout intérêt à prendre contact, c'est la même chose sur LinkedIn en fait, on a tout intérêt à prendre contact avec des connaissances de connaissances pour en fait renforcer notre potentiel d'influence ou notre potentiel en fait de découverte ou d'inclusion, d'intégration dans des réseaux et donc des capacités d'atteindre nos différents buts. Donc ce que ça vient en fait renforcer sur le plan de la communication, c'est le fait, et sur le plan aussi par exemple de la façon dont les entreprises vont chercher à travailler sur Internet, etc., c'est le fait que oui, il faut prendre soin des personnes qui sont déjà proches de nous, mais il faut aussi toujours en fait chercher à développer et à soigner les personnes qui sont à 1, 2, 3 degrés d'éloignement potentiel de nous. Et le développement en fait des réseaux sociaux numériques que vous voyez, dans les façons dont ils quantifient les choses, dans les statistiques, dans la façon dont ils évaluent en fait le poids ou la quantité ou la réussite de votre classement en fait sur ces plateformes-là, c'est clairement basé en fait sur ce potentiel que vous avez de rejoindre des liens faibles mais avec un fort potentiel en fait de rayonnement. Donc c'est toutes ces plateformes, tous ces réseaux sociaux numériques reposent pour beaucoup en fait sur un fonctionnement et des calculs qui s'inspirent de la théorie des liens faibles. Et quand je mets « ils sont plus ou moins instrumentaux », c'est parce que ben, dans l'idéal au départ du développement du web social, etc., c'est on partage, on est un grand village, etc. Donc concrètement aussi, il y a des enjeux économiques très forts sur ces plateformes. Et donc, il y a aussi la façon d'utiliser ou de ramasser de l'information pour la mettre à profit aussi en tant qu'entreprise ou en tant que réseau social numérique qui vit de la publicité à travers les données qu'elle recueille sur ses utilisateurs. Microblogging, est-ce que... Ok. Rapidement, c'est juste en fait pour faire un point sur les différents termes que vous pouvez trouver pour parler un peu parfois des mêmes choses dans la littérature. Le microblogging, l'exemple type, c'est vraiment Twitter, c'est-à-dire des plateformes qui donnent la possibilité aux utilisateurs de raconter des petites anecdotes, je viens de manger un super gâteau dans telle boulangerie, etc. et je me prends en photo et en 140 caractères, je mets merci boulangerie machin avec le hâte. Et le compte de la boulangerie. Donc, pouvoir partager des anecdotes, se dévoiler un peu, il faut se créer une identité, il faut se créer une espèce de figure publique sur ces réseaux. Et en même temps, en fait, c'est une forme très condensée de ce qu'on trouvait ou de ce qu'on proposait au niveau des blogs. Mais ici, on est vraiment donc sur de la prise de notes ultra simplifiée, avec aussi donc des procédés d'écriture qui sont très spécifiques. Toujours dans l'idée de comment on se présente en ligne et qu'est-ce qu'on partage en ligne, il y a ce qu'on appelle le bookmarking collectif. Est-ce que vous auriez, ou quand vous voyez cette expression-là, bookmarking collectif, est-ce qu'il y a des noms de réseaux, de médias qui vous viennent en tête, ou est-ce que ça vous évoque quelque chose ? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont sur Pinterest ? Ok, c'est du bookmarking collectif. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent Reddit ? Je ne sais pas si je prononce, je sais plus comment prononcer les choses, dans mon ralop. Donc je vais l'écrire. Non, pas plus. Ce sont des lieux, ben, comme sur Pinterest, en fait. L'objectif, c'est de faire ce qu'on appelle de la curation de contenu, donc de la recherche, en fait, de contenu qu'on trouve intéressant, qui nous intéresse particulièrement, et après ça, en fait, de le classer quelque part, donc d'en construire des dossiers, pour pouvoir les partager avec des gens qui, donc de les classer par thème, les classer par intérêt, et de pouvoir les partager avec le plus grand nombre, essentiellement avec des gens vont être également intéressés par le même sujet. Donc en fait, c'est un phénomène potentiel de donc, curation de contenu, donc sélection de contenu pertinent avec une même thématique, et après ça, en fait, de classification du contenu. On fonctionne vraiment sur de l'archivage, en fait, et également sur des principes quasiment de bibliothèque, on trouve des thématiques, des catégories, et on met en ligne. L'idée, c'est de partager des préférences. On travaille aussi sur l'idée de être une figure publique ou afficher ses goûts, se créer une personnalité en ligne. Et l'idée, c'est aussi potentiellement d'anticiper des sélections. Donc, on met en ligne ce qui nous intéresse, nous, mais aussi, à un moment donné, si on devient un utilisateur fréquent de ces plateformes, on met en ligne ce qui peut potentiellement intéresser d'autres internautes. Donc, il y a un phénomène aussi d'adaptation ou de rétroaction potentielle qui se fait de telle thématique, ça attire plus de réactions, où il y a plus de personnes qui viennent épingler en fait mes préférences, donc je vais peut-être mettre mes efforts là-dessus ou je vais créer une sous-catégorie dans la même veine. Excusez-moi. Oui. Est-ce que c'est lié au fait qu'on a une certaine popularité sur ce type de support, ou alors est-ce que c'est parce que juste on utilise plus souvent? Vous voulez dire qu'on va davantage tenir compte d'essayer d'anticiper les... On dit qu'on commence à mettre du contenu qui peut intéresser les gens, c'est parce qu'on a une popularité ou c'est parce que juste qu'on... En fait, ça peut être... Enfin, les recherches qui ont été menées sur les motivations, justement, de sélection de l'information et de travail éditorial, en fait, sur ce qu'on met, il y a du brouhaha, en fait, par là, Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de dire ou pas, outre la question qui est posée, parce qu'en fait, si je parle et qu'en arrière-fond, il y a un bruit, comme les mesdemoiselles au milieu, ça, je vais pas y arriver. Donc, la question étant, et c'est pas là pour mesdemoiselles au fond aussi, si, la question étant de savoir si le fait de essayer de mettre de l'information en ligne pour intéresser, donc en fonction des goûts, des attentes qu'on anticipe des autres, c'est lié au fait d'être un utilisateur très fréquent de la plateforme, ou bien parce qu'on est un utilisateur qui est populaire, c'est ça. Donc dans les recherches qui sont menées sur les motivations en fait de publication des utilisateurs de bookmarking collectif, en fait c'est les deux profils cohabitent. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des gens qui, à force d'utiliser, ils développent une sorte de connaissance de ce qui marche et aussi une capacité plus grande à davantage mettre en ligne, en fait. Donc, ils vont tenir compte des goûts, mais c'est parce qu'ils se font une grille de lecture idéale, en fait, finalement, de leur lectoratif. Et ça, ça va avec l'aisance qu'ils ont de plus en plus sur la plateforme. Et il y a le fait aussi que, pour certains, plus ils ont vu qu'ils étaient populaires, plus ils ont vu qu'on venait épingler de leur contenu, et plus ils ont fait attention, en fait. Alors qu'au départ, ils mettaient un petit peu tout ce qui pouvait les intéresser. Au fur et à mesure, ils se sont concentrés sur ce qui suscitait le plus de réactions. Donc il y a les deux phénomènes, en fait, liés à la reconnaissance de soi, finalement, d'un côté, ou liés à l'aisance, en fait, à l'apprivoisement, finalement, de la plateforme, qui est vrai. Et on a presque fini. Le partage de contenu que rend possible le bookmarking collectif, on le retrouve également sur, notamment avec des plateformes qui sont liées ou qui se concentrent sur le partage de musique, de photos ou de vidéos. Là, normalement, vous devriez peut-être avoir des exemples sur photos, musique, vidéos, des plateformes socio-numériques qui se concentrent là-dessus. Instagram, SoundCloud, j'ai entendu. YouTube. Flickr. Dailymotion. Ben, voilà, déjà, ça fait. Ça dresse le portrait. En fait, ce sont vraiment ces plateformes-là qui sont donc apparues après les blogs, après les microblogs, et qui ont choisi de se concentrer, finalement, de se spécialiser sur certains types de contenus en particulier. Donc elles se sont spécialisées, et donc on a vu apparaître, en fait, après donc, les gros joueurs Twitter, etc., ces plateformes là cependant, ce qu'on observe aussi, c'est que notamment c'est vrai pour Twitter et c'est vrai pour Facebook, les gros joueurs ont par après cherché à récupérer, à offrir eux aussi des partages de contenu, notamment vidéo, photo ou audio, ou à proposer des applications comme Periscope ou autres qui permettent, en fait, d'offrir, en plus du microblog, du partage également de contenu spécialisé, donc plus photos ou plus musique ou vidéo. Ceci dit, Instagram, par exemple, ou YouTube restent vraiment leaders dans leur domaine, et YouTube en particulier a acquis un public de plus en plus développé, et aussi au niveau notamment de la communication d'entreprise, gagne de plus en plus d'adhérents parce que justement il a gardé sa spécialité, mais il a permis une sorte de fidélisation, en fait, de la clientèle qui est un gage maintenant de sérieux, alors qu'au départ, ben, c'était plus du partage de blagues, de petites vidéos, d'extraits de films qu'on essayait de regarder en streaming de façon détournée, etc. Ok, pour finir, vous allez retrouver, en fait, dans les différentes problématiques de communication qu'on va avoir à travers le quadrimestre, et notamment dans les études de cas que vous aurez analysées, différentes façons de classer les plateformes et de les identifier, donc d'en faire des distinctions et d'en faire des rapprochements. Et notamment, l'un des critères, en fait, qui est utilisé pour distinguer les différentes plateformes, c'est l'auto-dévoilement, donc cette fameuse « je livre une part de mon intimité, je livre des anecdotes personnelles, je construis une personnalité ou une figure en ligne », qui va, en fait, varier selon les types de plateformes. Donc vous avez donc ici un tableau qui fait un peu la synthèse selon les types de plateformes, en fait, du dévoilement du sujet, mais aussi de l'importance du média, c'est-à-dire de la façon dont le média même, la plateforme, va conditionner, en fait, la façon dont je me présente. Est-ce que la plateforme va vraiment mettre des limites très fortes à ce que je peux dire, à la façon dont je le dis, c'est-à-dire mettre des formats très déterminés, ou au contraire, est-ce que je vais avoir davantage de créativité possible, davantage de capacité d'innovation en fait sur les plateformes. On va revenir sur ce schéma-là en fait dans le prochain cours notamment, mais je voulais juste vous le mettre déjà à disposition et un peu pour vous mettre un petit peu dans l'esprit des lectures que vous allez avoir à faire pour la prochaine fois. Lorsqu'on parle de dévoilement de soi, de ce travail de donc je me livre un peu en ligne, je montre une partie de ma vie personnelle, etc. Un des enjeux auxquels on réfléchit ou qui est fort questionné dans le numérique, c'est les enjeux liés à ce qu'on appelle l'effet panoptique ou panoptique, et que Cardon notamment, qui est l'auteur que vous devez lire pour la semaine prochaine, a travaillé à travers la notion de clair-obscur. La notion de panoptique, c'est une notion, ici la personne qui a baptisé ou qui a travaillé sur cette notion-là et qui l'a nommée telle qu'elle, Jeremy Bentham, donc c'est à la fin du XVIIIe siècle. En fait, c'est une réflexion qui se fait à partir du système de surveillance carcérale où une personne au centre du dispositif va pouvoir potentiellement observer tout ce qui se passe autour d'elle. Donc, pouvoir, lorsqu'elle se tourne, en fait, avoir les différentes cellules comme étant visibles. Et en fait, cette notion du panoptique a été reprise comme métaphore pour penser justement ce qui se faisait sur Internet et en particulier sur les médias sociaux. Pour ceux qui sont, il y en a qui sont en communication corporate et marketing ici, ou d'autres aussi qui ont pu suivre certains cours, est-ce que vous avez déjà entendu parler du lurking? On va en reparler la prochaine fois, mais c'est un terme qui va dans la même lignée. En gros, to lurk, ça veut dire espionner ou épier en étant un peu caché. C'est l'idée, par exemple, que vous vous abonnez à la page de quelqu'un, vous entrez en contact avec quelqu'un, en fait, vous intéressez jamais. Votre objectif, c'est d'observer, en fait, ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que la personne publie, qu'est-ce que les autres publient, etc. Donc, c'est une façon de, finalement, rentrer dans l'intimité ou dans un système de données sur quelqu'un sans vouloir construire un lien, mais plutôt, en fait, juste pour pouvoir faire de l'observation de données privées. Le lurking, c'est une notion qui est utilisée en fait de façon critique, de façon péjorative, sur notamment des entreprises qui vont construire un compte qui ressemble à un compte d'un citoyen X, donc qui s'appelle, Jeremy Bentham par exemple, et il va s'abonner à la page d'un concurrent, comme s'il était un consommateur X, sauf qu'en fait l'objectif c'est de voir comment l'entreprise communique avec ses propres clients, qu'est-ce qu'elle propose, etc., pour adapter soi-même ses propres propositions. C'est ce que font aussi en général les partis politiques ou certains candidats. Donc ce fonctionnement-là, en fait, de lurking, c'est une question qui est débattue par rapport à cette dimension panoptique du web, qui est de permettre d'avoir accès, pas forcément de façon mal intentionnée, mais d'avoir accès à des données assez privées en fait ou assez intimes sur des gens parce qu'on laisse des traces numériques assez importantes. Donc ça fera partie des éléments dont on reparlera la semaine prochaine. Ici j'avais mis une dernière diapositive, donc numéroté 5, mais ça doit être 6 dans la nouvelle numérotation que je corrigerai, sur les usages et usagers, donc sur la consommation en fait du web, notamment en Belgique. On va y revenir aussi la prochaine fois pour ne pas dépasser aujourd'hui. Pour la semaine prochaine, vous avez deux textes à lire. Donc l'un qui porte sur cette notion justement de clair-obscur à partir du parler privé-public sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment lié à ce côté de je me dévoile mais je construis aussi une figure publique, etc. Donc cette forme d'équilibre que les personnes ont à trouver sur ces réseaux et surtout la question de la construction de l'identité en fait en ligne. comme je vous le disais au début du cours, on essaye de régler le conflit d'horaire pour les exercices du mercredi. Donc en principe, on attend des réponses des personnes qui s'occupent de réserver les locaux, etc. Dès qu'on a une réponse, on vous écrit sur le forum pour voilà, vous dire la solution qu'ils ont trouvée. Donc d'ici là, très bon week-end. Si vous avez des questions, c'est trop tard. Non, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main maintenant. Ou sinon, si vous avez des questions pratiques aussi, écrire à Arnaud ou au moins. Oui. Oui, les lectures sont en ligne sur l'UV. C'est sous format PDF. Oui, elles sont en ligne aussi. Elles ne sont pas. Alors, elles sont encore cachées. Ok, parce que pourtant, je les ai mises en ligne avant-hier. Je vais les activer, mais en principe, je les mets en ligne la veille. Ok, ben merci. Oui, parce que ça fait, c'est le